Le maréchal Kim Jong-un a offert le 21 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang un banquet en l'honneur des délégations des femmes coréennes d'outre-mer qui ont participé à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée. Y ont pris part les délégations de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon et des femmes cadres de l'Association générale des Coréens en Chine, ainsi que d'autres compatriotes coréens en séjour dans la patrie socialiste. Y ont participé également Kim Yong-chul, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, et autres cadres intéressés.